phares. Et seul dans la lumière des phares, t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme des semaines. Tu te retrouves seul assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les larmes de ton plancher. T'es tout seul au fond de l'espace, personne devant. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits deux fois plus grands. T'avances comme dans des couloirs, t'arranges pour éviter les miroirs. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les larmes de ton plancher. Et toujours le même film qui parle. T'es tout seul au fond de l'espace, personne devant, personne. Faut dès que t'arrives à en parler au passé, faut dès que t'arrives à ne plus penser à ça, faut dès que tu l'oublies. Les chances qu'il te reste, un peu de ce parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les larmes de ton plancher. Toujours le même film qui passe. T'es tout seul au fond de l'espace.